Village olympique. Un endroit où j'irai habiter. Pourtant, on est quand même relativement ouais, c'est proches. Ce que j'allais dire, vous êtes pas mais ça fait vraiment deux trucs différents, en fait. Hein. Peut-être qu'ils entendent un peu plus la rue aussi, Lucien Andrieux. Et, et le rond-point, ouais. Donc, j'imagine qu'ils ont une pollution sonore un peu plus élevée que la nôtre. Quand ils sont chez eux en haut, ça doit pas être pareil, parce que là, j'ai plus l'impression d'être dehors. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je suis en maison et c'est bas, quoi. Donc, j'ai un peu l'impression d'être dans le quartier tout le temps. Mais ceux qui habitent dans ces bâtiments, c'est comme si c'était un peu plus isolé. De chez moi, c'est les voitures qui passent dans la rue, ouais. Juste en face. Et t'entends beaucoup tes voisins ou pas? Oui. L'Aptar. Rez-de-chaussée, bas. Ouverture des portes. Que j'entends principalement en étant là, c'est ceux de l'école. Ok. Enfin, quand je suis sur des horaires où l'école est à la maison, quand elle est à l'école, j'entends beaucoup, beaucoup l'école. D'accord. Ouais. Les enfants criaient, s'amusaient. Parc Littlewood. Ici, on trouvait que c'est peu. Voilà, il y a peu de choses pour les enfants. Oui. Mais ce qu'il y a à Littlewood, ça a été vite détruit. Ça a été vite. Il n'y a pas un jeu pour les petits. C'est pas adapté. Ben, je sais pas qui a eu l'idée de mettre des moutons qui bougent pas en fait. Il y a trois moutons qui servent à rien. Enfin, ce parc ne sert strictement à rien. Je trouve que c'est pas assez grand. C'est oui. Juste une petite aire de jeu, par exemple, un terrain de foot pour que les enfants jouent. On n'a pas ici. Quartier Beauvert. On est bien situé, je trouve qu'on est, bien, on n'est pas loin à pied, on l'a fait souvent avec ma copine, on marchait jusqu'en ville. On fait, voilà, on marche en ville, on marche Grand Place, on marche Échirolles, on peut très bien le faire quoi. Le calme de Beauvert. Pendant l'été, on peut ouvrir les fenêtres grandes, donc on attend juste les cuicuis des oiseaux. Franchement, ça, on apprécie le calme. Et on est vraiment, nous, dans un petit renfoncement entre deux garages. Je crois que je vois où vous êtes. Et alors, franchement, on n'entend rien. Mais vraiment, rien. L'été, on est bien. Mais dedans, c'est que j'ai qu'un T3. Mais en fait, je ne vais pas déménager. Beauvert, le village. Il y a beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup de... Il se passe un truc, tout le monde est au courant, tout le monde va voir la personne, tout le monde... Voilà. Aussi, on propose aussi des fêtes de quartier ici, la maison des habitants. Donc c'est un moment pour se réunir, pour se rassembler. Je trouve ça, c'est sympa aussi. Bah, une manière, nous, c'est un petit village ici. Hein. Diagnostic des maisons. Elles sont vieilles. Déjà, je pense qu'au niveau sécurité électrique, on n'est pas du tout dans. Les façades se cassent à margoulettes. Chauffage, on pêche cher parce qu'il n'y a plus d'isolation en fait. Moi, ça résonne. Par exemple, mes enfants, quand ils courent, ça résonne beaucoup dans le bâtiment où j'habite. Ça résonne. Quelle perspective pour le quartier Beauvert ? L'idée, c'est que même si on a une opinion, même si on dit quelque chose, derrière, ça ne suit pas. Je veux dire, on devait détruire une partie du quartier Beauvert, je ne sais pas si vous êtes au courant, de l'autre côté là-bas. Et il y a eu une réunion pour un peu discuter, pour parler de tout ça, de nos ressentis, de tout ce que... Ben, en fait, rien ne s'est fait, quoi. On ne nous écoute pas. Moi, ça fait 15 ans, mais il y en a qui ça fait 40 ans, qui sont là 50 ans, donc ils ne veulent pas. Je trouve dommage de mettre des immeubles ici. Parce que ça reste quand même, assez convivial et en fait on en est même à surveiller quand la voisine elle ouvre pas ses volets d'habitude à cette heure-ci, on s'inquiète, on appelle, enfin voilà. Mais des immeubles, je pense qu'on n'aura pas la même convivialité. Station de lavage. De l'eau. Ouais. Ah ça, c'est franchement, moi quand je sors dans la terrasse, franchement, j'entends le bruit. Cours de l'Europe. Richard Libert.